بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الاختلاط كي لا ميكسيتي أبو تيمية خليل المعتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdise le blâmable. Et ceux-là sont ceux qui réussissent. Et parmi les meilleures voies de la da'wa, qui consiste à appeler au bien, il y a les assises, al-majalis, majalis al-ilm. Hein? Les assises de science et de rappel. Et celle également de ta'lim, l'enseignement, sous toutes ses formes. Sawan kana li rijal aw nisa wal kibar wal sighar wal ins wal jin. Que cela soit pour les hommes comme pour les femmes, pour les grands et les petits, et les humains et les djinns. Et c'est pour cela que parmi ces causes, que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, prit un temps spécial consacré à la femme, pour enseigner aux femmes. Comme cela fut rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'il dit: Ja'at imra ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqalat: Dhahaba ar-rijalu bi hadithik, faj'al lana min nafsika yawma نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهن بما علمه الله. Donc il dit qu'une femme vient auprès du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم en disant que les hommes ont droit à ton hadith. Hein, les hommes profitent de toi dans le sens. Alors accorde-nous de ton temps un jour afin que nous venions vers toi, que tu nous enseignes ce que Allah t'a enseigné. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, rassemblez-vous tel jour. Alors elles se rassemblèrent. Et il se rendit auprès d'elles, et leur enseigna de ce que Allah lui a enseigné. Et malgré cela, bien que comme vous le savez, il y en a déjà, c'est par application de ce hadith, que, avec les frères de Demmej, nous avons mis en place cette série de conférences qui elles-mêmes sont spécifiques pour les femmes, pour les sœurs. Cependant, cela n'est pas restreint qu'à elles, c'est-à-dire que nos frères également peuvent en profiter, peuvent écouter. Car il est connu qu'il n'y en ait pas un d'entre nous, c'est-à-dire les hommes, sans qu'il ne soit à la base un fils. Donc, il a une mère, ou voire une grand-mère. Il n'en est pas un d'entre nous sans qu'il soit également, ou qu'il puisse être, un frère. Donc cela implique qu'il ait des sœurs. Ou qu'il soit un époux, donc qu'il ait une femme ou plusieurs. Ou qu'il soit un oncle, donc qu'il ait des nièces, et ainsi de suite. Ou même qu'il soit un mahram, hein, sous toutes ses formes. Ou même qu'il ait un entourage qui fasse que ses enfants, ou ses filles plutôt on dira, aient des enseignantes. Hein? Donc tout le monde y tire profit. Bien que ces assises soient spécifiquement pour les femmes de façon particulière, les hommes aussi y ont droit de façon générale. Et tout le monde y trouve son intérêt. L'Imam Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Balliru anni walau aya. Rapportez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et bien sûr, nous, on ne s'y prend pas de la façon d'établir. Ce n'est pas on entend une chose, on ne la comprend pas, on la propage. Non, cela se fait avec ilm wa basira, science et clairvoyance. Et également, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Falyubalir al-shahidu al-ra'iba. Que le présent en informe l'absent. Donc il se peut qu'un homme soit en mesure d'écouter et les femmes non. Donc de là, les frères présents en profitent pour enseigner également à leurs femmes par la suite. L'Inna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, comme a fait hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As, un des imams musulmans, qal, الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة المرأة الصالحة. Que ce bas monde est une jouissance et que la meilleure jouissance de ce bas monde, c'est une femme réformée, pieuse. D'accord ? Cela est la meilleure jouissance pour l'homme en ce bas monde. Donc de là, les frères qui écoutent en profitent pour retransmettre aux femmes de leur entourage de façon légiférée et permise. Donc cette femme réformée et pieuse, cela inclut qu'elle a obtenu cette piété d'une première part, min tawfiqillahi azza wa jal. Que c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala accorde. La piété est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Ce n'est pas tout le monde qui y a droit. Et également cette piété s'acquiert par des causes. Et parmi les plus grandes causes, al-ilm wa al-amal bih. La science et le fait de l'appliquer. نعم هذا الدين إصلاح ورحمة للمخلوقات لا سيما للإنس والجن يعني المكلفين. Que cette religion est tout d'abord une réforme et une miséricorde pour toutes les créatures, hein, et tout particulièrement pour les humains et les djinns, qui sont les mukallafun, c'est-à-dire ceux sur qui s'appliquent les règles de cette religion, qui soit subiront un châtiment ou soit auront une récompense. Yom al-Qiyamah. Et également, parmi ces créatures, il y a le muslim et le kafir. Le muslim et le mécréant. Et en cette dunya, tout le monde trouve un intérêt avec l'islam, même le kafir. Il tire son avantage, bien que lui ne s'en rende pas compte. Et de là, cette religion a été établie pour préserver Al-Daruriyat al-Khams. Voyez, qui sont cinq droits essentiels de chacun. Cinq droits essentiels à chacun. Ma'louf, عند أهل العلم, Al-Daruriyat al-Khams. Je vais les citer sans citer forcément les preuves, car ce sont des choses qui sont connues auprès des gens de façon générale, et que là n'est pas le sujet de la Muhadara, mais juste une Muqaddima, pour arriver au but. Donc, ces cinq droits essentiels, a dit Daruriyat al-Khams, أولاً الدين والعقيدة qui sont la religion et la croyance. Qu'est-ce qui s'y oppose? الكفر والشرك. C'est pour ça que le shirk et la mécréance ont été interdits, car ces choses-là s'opposent à la religion et à la croyance, et les preuves sont connues. وكذلك العقل, la raison, hein, la raison de la personne. C'est pour cela que ont été interdits les substances enivrantes, hein, les produits enivrants sous toute forme, qu'il s'agisse de l'alcool ou des drogues, et autres. Et j'ai cité le aql en premier, car le aql, s'il est perdu, eh ben les autres qui vont suivre derrière, que je vais citer, également se verront pervertis. Donc le troisième droit essentiel, al-nafs, la vie, hein, la vie de la personne. Que l'islam est venu pour préserver les vies. De là, il est interdit de tuer délibérément une vie interdite. même par erreur. Même par erreur. On sait qu'il y a des cas où il faut tuer en islam, même des fois c'est obligatoire. Mais la base, hein, chez le muslim et chez le kafir qui, on va dire, se soumet à l'islam, bien qu'il n'ait pas embrassé, c'est que son droit de vivre est respecté. Et également tout ce qui touche à causer des dégâts à la personne, qui nuisent au physique de la personne. Non. Thumma, le quatrième point essentiel, c'est un nasl, la généalogie. Le fait de connaître la descendance, hein, les enfants, ainsi de suite. D'où l'interdiction du zina, de la fornication. Car ceci porte atteinte. On ne sait plus qui est le père, qui est le grand-père, qui est la mère, ainsi de suite. Tout est perdu. Et l'islam est venu pour préserver cette généalogie. Et là, je voudrais mettre en évidence un point qui est que souvent, j'ai vu dans des livres que le mot zina le traduisent par adultère. Et cette traduction n'est pas correcte. Car en langue française, de ce que je me rappelle, l'adultère, c'est des relations, on va dire, hors conjugales. C'est-à-dire qu'un homme déjà marié commet la fornication avec une femme autre que sa femme. Alors que la fornication plus générale, c'est une personne qui peut être mariée ou pas, qui commet la fornication. Donc attention, parce que des fois les gens, ils se posent qu'un débutant, il entend, il voit l'adultère, c'est interdit, donc il se dit, oh, ben, si moi je suis pas marié, alhamdoulilah, je peux aller voir une femme. Non. La zina, c'est la fornication, c'est-à-dire qu'il y ait des rapports sexuels entre deux personnes étrangères, hors mariage, lorsqu'il ne leur est pas permis. Donc attention entre fornication et adultère, il y a une différence entre les deux mots. Et le dernier point essentiel, c'est les biens, l'argent, les biens matériels. D'où l'interdiction du vol, de la détérioration ou du gaspillage. Et comme je vous l'ai dit, on a cité l'aql avant tout cela, car celui qui perd la raison est amené à tuer, est amené à forniquer et amené à détruire. Et également, peut même s'en prendre à la religion. Wal'iyadhu billah. Hein? Donc le aql est très important, car celui qui le perd peut commettre des choses abominables. Naam. Donc comme nous disons, les droits de chacun sont préservés par cette religion pour permettre, hein, pour permettre de vivre en société, en sécurité. Et cette religion, là on parle par rapport aux musulmans, la suivre est une œuvre pieuse et amène au bonheur en ce bas monde. Comme qu'Allah Ta'ala, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Et quiconque œuvre d'œuvre pieuse, qu'il soit homme ou femme, et qu'il est croyant, nous le ferons vivre une vie agréable, une bonne vie. Donc se tenir à la religion amène à de bons résultats en ce bas monde. C'est pour cela qu'également, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans nos salawats quotidiennes de lui demander la droiture. Ihdina sirat al-mustaqim, hein, guide-nous sur le chemin droit. Donc là, parmi ces cinq daruriyat, droits essentiels, nous allons appuyer sur la généalogie, le nasl, dont la première, dont on va dire le premier préjudice lui portant atteinte est zina, la fornication. Quelle en est la sentence? C'est la lapidation à mort pour celui qui est marié ou qui a déjà connu un mariage légiféré. Et également, la flagellation pour autre, c'est-à-dire celui qui n'a pas été marié. Et cela concerne bien sûr celui qui a sa raison, al-aqil ou al-ba'alir, hein, celui qui a sa raison et qui est pubère, bien entendu. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث الثيب الزاني منها. Qu'il a dit qu'il n'est pas permis, c'est-à-dire le sang du musulman n'est pas permis sauf dans trois cas de base, car il y en a d'autres. Et parmi eux, le premier que j'ai cité, c'est الثيب الزاني, c'est celui, c'est-à-dire le pubère censé, c'est-à-dire doté de raison, qui a eu des rapports alors qu'il a connu le mariage antérieurement ou qu'il est dedans. Ça, c'est le sayyib. C'est l'homme ou la femme. Les deux sont... c'est-à-dire le mot sayyib s'emploie pour les deux. L'homme comme pour la femme. Wallah subhanahu wa ta'ala yakul الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. Et que le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les chacun d'entre eux 100 coups de fouet. Ça c'est pour qui? Pour le bikr, c'est-à-dire celui qui n'a pas connu de mariage. Car le bikr est souvent également le mot bikr souvent est traduit par dernier on va dire vierge, une personne qui n'a pas connu de rapport. Alors que bikr shal'an c'est en fait toute personne qui n'a pas connu de mariage légiféré. C'est plus large que cela. Hein? Même quelqu'un qui a fait zina ou al-yazubila auparavant et qui n'a pas connu de mariage, il sera nommé bikr en islam. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Et ne vous approchez pas de la fornication car c'est certes une turpitude et un bien mauvais sentier. Hein? Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit wa la taznu. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Mais plutôt, il a dit, wala takrabuz zina, ne vous approchez pas du zina. Qu'il ne faut même pas s'en approcher. Évitez tout ce qui pourrait y mener. Pour le grand mal qu'il contient. Et il est connu dans Usul al-Fiqh, dans la science de Usul al-Fiqh, que, ma yakunu wasilatan lil haram, fawa haram, kadhalik. Wa ma kana wasila il qiyam bil wajib, fayasiru wajiban kadhalika. Puis dans la science de Usul al-Fiqh, une chose, ce qui mène au haram, un moyen menant au haram, devient lui aussi, ou du moins peut aussi devenir haram. Tout comme une chose qui aide à accomplir une obligation, peut elle-même devenir obligatoire. C'est-à-dire le moyen. Pas le but. Pas la fin. Le moyen. Et les causes menant à cette turpitude sont extrêmement nombreuses. Et la législation a établi des barrières, des limites, pour couper court, fermer les portes, et comme on dit, couper l'herbe à la racine. Pourquoi? Par miséricorde pour le serviteur. Pour l'empêcher, un peu comme un enfant. Un enfant, malgré lui, il a des choses en tête, et ne réalise pas ce qu'il y a autour de lui. Donc de là, faut mettre des sécurités, des barrières, pour l'empêcher de se nuire à lui-même. Car en réalité, l'homme ne se nuit qu'à lui-même en premier lieu, ensuite aux autres. Mais pas à Allah. Il ne peut nuire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons parmi les causes les plus redoutables et les plus dévastatrices et les plus dangereuses qui amènent à tomber dans cette turpitude qui est le zina, c'est celle qui est le thème de cette muhadara qui est l'ikhtilat. Hein? L'ikhtilat qui est la mixité. C'est-à-dire le mélange par présence physique ou autre, hein, ça peut être autre, entre les deux genres, les deux sexes, c'est-à-dire masculin et féminin. Sans raison valable, ni contrainte ou autre, et sans les maharim, sans les mahram pour la femme. Car posez-vous la question, comment l'homme et la femme pourraient-ils tomber dans cette turpitude qui est le zina, si ce n'est en premier lieu par une rencontre, des regards échangés, un échange verbal, et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, à l'al-asaf, à notre grande tristesse, Al-Umma, la communauté, est atteinte de ce cancer. Illa liman rahimallah. Hormis pour qui Allah aura fait miséricorde. Dès leur jeune âge, les gens sont, malheureusement, voués à tomber dans ce mal. Qu'ils soient des mécréants, ou qu'ils soient des muslimines. Cela où? Dans la plupart des lieux publics, ou privés, écoles, lieux de loisirs, lieu de travail, transport en commun, hôpitaux, lieu administratif, lieu de commerce et j'en passe. Dans tous ces lieux, il n'est quasiment pas possible d'échapper à ce fléau qui est la mixité. Dans certains cas, c'est de la daroura, de la contrainte. Donc il n'y a pas de grief, pas de péché sur la personne. Et dans d'autres, c'est le cas contraire. Le péché est commis. Et il est primordial de mettre en évidence les preuves démontrant l'interdiction de ce fléau. Pourquoi? Car comme nous l'avons dit, il est fortement propagé au sein de la population. À ce jour. Je dis bien ce jour, pourquoi? Parce qu'auparavant, c'est un fait nouveau. Hein? si, on va dire, ceux qui sont d'une certaine génération se rappellent bien qu'il fut une époque, il y avait une séparation entre les hommes et les femmes, même dans les écoles. Il y avait l'école pour femmes et l'école pour les filles, on va dire, et celle pour les garçons. Ils étaient séparés. Dans les lieux de sport, ils étaient séparés. Dans beaucoup de lieux, ils étaient séparés. Car il y avait encore un minimum de pudeur chez les gens. Mais aujourd'hui, avec le stratagème que font les ennemis de l'islam, que sont les francs-maçons ou les juifs ou autres, qui est, dont le but est de propager le façade au milieu des gens et de tuer les religions, ils ouvrent toutes les portes. Et cela sous quoi? Le nom de l'égalité entre les sexes, entre l'homme et la femme. Que si l'homme peut faire une chose, la femme également peut le faire. Donc de là, il lui permet d'être au milieu des hommes, dans le travail et autres. Donc comme nous disions, comme ce fléau est fortement propagé, il se peut qu'il vienne à l'esprit des gens, on va dire des ignorants souvent, que cela est permis. Souvent on le voit, les gens disent, ah mais tout le monde le fait, il n'y a pas de mal. On le fait là-bas, lui un tel il le fait. Donc il s'imagine que c'est permis. Et également, pour ceux qui connaissent déjà le jugement, hein, ceux qui en connaissent déjà le jugement, il se peut que par son entourage tombé dans ce mal, l'homme en devienne laxiste, qu'il baisse les bras. Comme tout le monde le fait autour de lui, il n'aura plus la gravité. Il sait que c'est interdit, hein, mais ne réalise plus la gravité de la chose. Donc il baisse les bras un peu. Donc de là, on vient pour le rappel. Walhamdulillah, Ahl Sunnah, les salafis, sont les gens les plus informés et les plus soucieux quant au suivi de l'application réelle et conforme de cette religion. Hein, les salafis sont les gens qui se soucient le plus, prennent la science, la propagent, chacun à son niveau bien entendu, ils ne sont pas tous égaux. Cependant, ils sont les plus soucieux et les plus à même d'appliquer les règles de cette religion. Cependant, cela ne les épargne pas du mal des autres ou d'être atteints de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leur présence au milieu d'une telle société. Que ce soit en terre de Kouf, en terre de mécréance ou en terre d'islam. Car ce fléau est présent aussi en terre d'islam. لهذا قال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Et craignez une fitna, un châtiment qui n'atteindra pas seulement ceux qui ont été injustes et sachez que Allah est dur en punition. Et rapporté par Zaynab, ou plutôt selon Zaynab, rapporté par يعني je crois que c'est متفقون عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم ردم من يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أسبوعي الإبهام والتي تليها فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Donc Zaynab rapporte une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra effrayé en disant « La ilaha illallah, malheur aux Arabes d'un mal qui s'est certes rapproché. Aujourd'hui a été ouverte une brèche, c'est-à-dire de là où sont enfermés Ya'juj et Ma'juj, que les gens ont tendance à traduire par Gog et Magog, une brèche de cette taille-là. Et il fit un cercle entre son pouce et l'index. Ça fait un cercle, à peu près un rond, comme ça. Alors, Zaynab, radiallahu anha, dit, est-ce que nous allons être détruits, alors que se trouvent au milieu de nous des gens pieux? Il dit, oui, si jamais les turpitudes se multiplient. Donc on voit quoi? Que lorsque le mal se multiplie, ce que les ennemis de l'islam tentent à faire, actuellement, avec leur stratagème, que même les gens pieux seront touchés. Que même les pieux peuvent être atteints. Cependant, kulu yubhaf alaniyati. Chacun sera récité selon son intention, bien entendu. Et cependant, ce châtiment peut atteindre tout le monde. Celui qui applique, comme celui qui n'applique pas, pour cause de celui qui n'applique pas. Ou pour cause de celui qui applique, mais qui n'appelle pas à interdire au mal. Donc revenons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, wala takrabu zina. Et n'approchez pas de la fornication. C'est-à-dire que, même chez les Arabes, il y a une ibara, une expression qui dit, al-wakayatu khayrun min al-ilaj. Comme on dit en français, qu'il vaut mieux prévenir que guérir. De là, dans sa hikmah, ainsi que dans sa rahma envers nous, Allah a mis un bien grand nombre d'étapes, hein, d'échelons, à passer avant que l'homme et la femme ne se retrouvent à commettre cet interdit. Bien des limites ont été fixées pour empêcher d'y arriver. C'est-à-dire, pour arriver à ça, c'est que vraiment, il y a un nez, ça ne peut pas arriver comme ça, à l'insu de la personne. C'est un mal, il y a forcément eu des actes délibérés qui ont été faits pour y arriver. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des barrières pour ne pas arriver là. Car il est connu, hein, que les deux genres soient tirés l'un par l'autre. Ils ont été créés de nature à s'accoupler, l'homme et la femme. Ya ayyuha an-nas ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Comme nous l'avons dit dans la Muqaddima, ô vous les hommes, créez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'une seule âme, c'est-à-dire Adam, alayhi salam, et a créé d'elle son épouse. Wa qala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum muwaddatan wa rahmah. Muwaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Que parmi ces signes, qu'il est créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous cohabitiez avec elles, vous accoupliez avec elles. Et il plaça entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Hein, pour un peuple qui réfléchit. Bien que ces versets fassent allusion au mariage, il va de soi qu'un mariage ne peut s'accomplir. Hein, qui ne peut s'accomplir si ce n'est pas au préalable une assurance mutuelle des deux genres, de l'homme comme de la femme. Et je parle bien sûr à l'attention des personnes normales, je ne parle pas des lawats, des homosexuels, je parle de l'homme et de la femme, car on sait qu'il y a des hommes qui sont tirés par des hommes et des femmes par des femmes, Allahouzoubillah. Eux, ils sortent de ce discours. Et on connaît le jugement qui s'y rapporte, c'est la peine de mort. Je ne parle pas d'eux, je parle de l'homme normalement constitué et de la femme. Donc, en premier lieu, pour ces étapes, hein, ces étapes, Allah subhanahu wa ta'ala a mis, pour empêcher d'arriver à ce mal, que la femme, la base chez la femme, et qu'elle reste chez elle. Ah oui, j'ai oublié. Avant d'arriver à cela, en ce qui concerne l'attirance mutuelle entre les deux, j'aimerais citer une parole de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, qui était le mufti du royaume d'Arabie Saoudite, où il évoque ce point en disant, en parlant de Irtilat et Rijel bin Nissa, qal lahu thalath halat, que la mixité entre hommes et femmes est de trois cas, dans ce qu'il cite lui. Al oula Irtilat et Nissa bimaharimihinna min al Rijel, wa hadha la ishkala fi jawazi. Donc le premier, c'est le mélange entre les femmes et les hommes qui leur sont des mahram. Et cela, il n'y a pas de problème que cela est permis. Et parfois, devient même obligatoire. Al-Thaniya, deuxièmement, Irtilat al-Nisa bil-Ajanib li-Ird al-Fasad. Ou li-Ard al-Fasad. Wa-Aza la-Ishkala fi-Tahrimi. Deuxièmement, la mixité entre hommes et femmes étrangers. Ce qui expose au désordre. Et cela, il n'y a aucun problème que cela est interdit. Clairement. والثالثة اختلاط النساء بالأجانب في دول العلم والجوانب والمكاتب والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق. Donc il dit, la troisième, c'est la mixité entre hommes et femmes étrangers, lors par exemple des séminaires scientifiques, des études on va dire, hein, ou dans les bureaux, c'est-à-dire les lieux de travail, dans les hôpitaux, dans les célébrations, cérémonies, ou ce qui y ressemble, et que cela en réalité, il se peut que le questionneur, car à la base c'est une question qui lui a été posée, il se peut que le questionneur s'imagine au début que cela n'amène pas à la tentation entre les deux genres. Et enfin de démontrer la réalité de ce troisième point, hein, j'aimerais y répondre, c'est-à-dire le chéri dit, j'aimerais y répondre de deux façons. de façon globale, générale et de façon détaillée. Yakul. Amma al-mujmal, c'est-à-dire de façon générale, فهو أن الله تعالى جبل الرجال على قوة والميل إلى النساء. Que tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a mis de nature que l'homme est un penchant pour la femme. وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود الضعف. Et qu'également, il a créé que la femme soit de sorte à être attirée par l'homme, à pencher pour l'homme. فإذا حصل اختلاط نشأ عن ذلك أثار تؤدي إلى حصول العرض. Essayez. Et que si jamais on mélange entre les deux, cela provoquera quoi? Une chose qui amènera à des mauvaises conséquences. Des mauvaises choses. لِيَنَا النُّفُوسُ أَمَّارَةٌ بِسُّ وَالْهَوَى يُعْمِي وَيُسِمْ وَالشَّيْطَانْ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى وَالْمُنْكَرِ. Et que les âmes, l'ego, ordonnent au mal et aux passions. Et du moins les passions aveuglent et assourdissent. Et que Shaitan lui ordonne à la turpitude au blâmable. Donc ça c'est la réponse globale. Wa mal mufassal, il détaillé, fal shari'atu mabniyatun 'ala maqasid wa wasa'ilha. Wa wasa'il al-maqsud al-muwassalati ilayhi laha hukmuh. Fal nisa'u mawadi'u qada' wa tar ar-rijal. Fakad sada shara'i' al-abwab al-mufdiyata ila ta'alluq kull fardin min afrad an-naw'ain bil-akhar. C'est-à-dire que la législation est basée sur des objectifs et avec des moyens. Et que ces moyens qui amènent à cet objectif ont des jugements, des règles qui s'y rapportent. Et les femmes sont objets de désir pour les hommes. Cela est connu. Donc, la législation est venue pour boucher les portes ouvertes qui amènent à ce que l'un et l'autre des deux genres s'accrochent, s'attirent l'un à l'autre. Faire en sorte qu'ils ne s'approchent pas l'un de l'autre. Telles sont les, on va dire, la traduction approximative des paroles de Shir Mohammed ibn Ibrahim, rahimallahu ta'ala. Donc là, on revient à quoi? Aux étapes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aux échelons, posés dans la religion pour empêcher à la rencontre des deux genres. Donc nous avons dit en premier lieu, Allah a mis comme base que la femme doit rester chez elle. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, وَقُرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et demeurez, c'est-à-dire en s'adressant aux femmes, et demeurez dans vos maisons, et ne vous dévergondez pas, comme à la période pré-islamique. Et là, Qatada, rahimahullah ta'ala, qui est l'un des imams du tafsir, il a interprété tabarruj al-jahiliya, qu'il s'agit quoi? C'est-à-dire, on va dire en, littéralement, c'est le dévergondage de la période pré-islamique, c'est-à-dire que les femmes, avant l'islam, marcher au milieu des hommes. Et ça le sens voulu. Que les femmes marchaient au milieu des hommes. Qui revient à quoi? Ertilat, mixité. Donc ça c'est la première étape, que la femme reste chez elle. Car il est connu que c'est l'homme qui sort et s'occupe de ramener la subsistance. Il est permis à la femme de travailler, mais là on parle de la base. La base c'est que c'est l'homme qui sort. Deuxième étape. Que s'il vient à ce que l'homme étranger se voit contraint de parler avec une femme qui lui est étrangère, alors que cela se fasse derrière un voile, une séparation. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Et que si vous leur demandez quelconque besoin, alors demandez-leur de derrière un voile, une séparation. Cela est plus pur pour vos cœurs et leur cœur à elles. Ce qui prouve quoi? Que l'attirance qui peut être éprouvée l'un envers l'autre peut-être issu d'un simple échange verbal, aussi bref soit-il. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme limite également que cet échange doit se faire de derrière un voile. Troisième étape, que si maintenant un échange doit se faire, dans le besoin d'être fait, alors que la femme ne fasse pas preuve de complaisance dans son parler et qu'elle tienne des propos décents. L'homme aussi, bien entendu. Bien entendu, l'homme qui parle correctement. Kama qala subhanahu wa ta'ala fala tardorna bil qawl fayatma'a allazi fi qalbihi marad fa qulna qawlan ma'lufa hein, et ne soyez pas complaisante dans votre parler, afin que celui qui a une maladie au cœur ne soit pas attiré, hein, qu'il ne soit pas éprouvé, et dites des propos décents. Bien que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime auprès des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela revient à toutes les femmes des croyants, toutes les muslimas. Cela les englobe toutes. Donc là, c'était la troisième étape. Là, on passe maintenant à la quatrième étape. Après que tout ça a été fait, s'il venait, hein, après qu'elle soit restée chez elle, qu'il y ait eu un échange verbal avec l'étranger, qu'elle soit amenée, c'est-à-dire la femme, à sortir de chez elle, alors Allah lui a imposé qu'elle le fasse dans une tenue légiférée. Et bien entendu, l'homme aussi doit être habillé de façon décente et légiférée. Mais le verset là stipule la femme. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalalibi bihin. Dhalika adna an yughlafna fala yuzayn. Ô prophète, dis à tes femmes, ainsi qu'à tes filles, ainsi qu'aux femmes des croyants, de rabattre sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Naam. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour protéger la femme, lui a mis, en cas de sortie, une tenue appropriée et adéquate. Bien sûr, là, dans le verset, dans le sens où il dit, elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. On sait la situation que vivent les sœurs en France. Les agressions qui ont été arrivées. Mais cela est dû à quoi? À une défaillance. Car à la base, ce verset, de ce qui en apparaît, s'applique en terre d'islam. Car on sait qu'en terre de Kufr, cela pourra amener peut-être plus quoi? D'animosité pour les koufars envers les muslimas. Que les koufars soient encore plus agressifs envers elles, du fait qu'ils voient cet islam. Donc on sait que des sœurs se font agresser pour leur jilbab. C'est connu, cela. Mais comme nous disons, à la base, les hommes comme les femmes doivent partir de là-bas. Donc on ne dise pas, ouais, ce verset-là, il ne s'applique pas parce que nous, on met le jilbab, on s'est agressé. Non, ça, c'est un cas qui sort du contexte. Car à la base, c'est que les muslims, ils vivent entre eux. Et vous verrez très rarement, ce que j'ai entendu moi, hein, en fonction de bihasb ilmi, très rarement une femme se faire agresser en terre d'islam pour sa tenue vestimentaire. Mais alors qu'en France, ça commence à devenir répandu, une chose normale. Hein, une chose normale. Donc là, c'était la quatrième étape. Qu'elles sortent habillées. Cinquième étape. Que lors de leur sortie, Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé l'attitude à adopter, à suivre. Pour l'homme, bien entendu, mais surtout pour la femme. Yaqulu azza wa jal, kulil mu'minin yaruddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dhalika adna lakum aw adna lahum inna Allah khayrun mimma yasna'un. Et dit aux croyants qu'ils baissent le regard. Hein, qu'ils baissent le regard et qu'ils préservent leur chasteté, et cela est meilleur pour eux. Et certes, Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. وَقُولِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلْيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُولِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُلُوعَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بلوعتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني خواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي أربعة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ولا غروة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Là, dans le sens, il dit, et dit aux croyantes, là, il s'adresse aux croyantes, de baisser le regard, et de préserver leur chasteté, et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en apparaît. C'est-à-dire, notre shir, Hafizallahu ta'ala, Yahya dit, il parle des vêtements extérieurs. Et qu'elles rabaissent sur elles leur voile, qu'elles rabaissent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari, ou leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou à leur frère, ou leur fils de leur mari. Ou leur frère, ou leur fils, ou au fils de leur frère, je veux dire, ou au fils de leur sœur. Donc là, il cite un peu les maharim. Qui est un maharim pour la femme? Non. Ou aux femmes, c'est-à-dire femmes de l'islam. Il y a un khilaf, mais le plus authentique, c'est les femmes de l'islam. Ou aux esclaves qu'elles possèdent. Ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères. qui ignorent tout des parties intimes des femmes, et qu'elles ne frappent pas de leurs pieds pour que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Donc là, le shahid de cette parole, le shahid, hein, yardadna bin abasarihinna, qu'elle baisse le regard. وَلَيَدِّينَ زِنَتَهُنَّ وَيُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ et qu'elles ne fassent pas apparaître leurs atouts. Donc là, c'est le vêtement. وَيَدْرِبْنَ بِخُمُولِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et là, de là, des savants ont déduit de là, de rabattre le voile inclut qu'il recouvre également le visage, car il vient de la tête jusque vers le bas. Adamin adilat tadammun, comme on dit. C'est-à-dire l'épreuve qui englobe. Qu'il en ressort, il en implique que si elle rabat son voile depuis sa tête sur sa poitrine, que ce voile va recouvrir également, quoi? Le visage. Hein? Ça, c'est parmi les preuves que la femme doit recouvrir son visage. Et qu'elle ne frappe pas de leurs pieds pour que l'on sache ce qu'elle cache comme parure. Car avant, les femmes, dans la période pré-islamique, avaient des chaînettes aux pieds. Et lorsqu'elles marchaient, elles tapaient fort du pied pour qu'on entende ces chaînettes. Donc de là, la femme, quand elle marche de façon décente et discrète. Nam. Et comme l'a dit, donc après tout cela, on passe à quelle étape? La sixième étape. Hein, on a vu le fait de rester à la maison. On a vu comment doit se faire l'échange verbal. On a vu que si elle sort, comment elle doit se tenir et s'habiller. Donc maintenant, après tout cela, hein, Allah subhanahu wa ta'ala met des limites posées en religion pour éviter tout contact et éviter toute fitna, toute tentation, même dans la rue. Comment? Que les femmes marchent sur les côtés et laissent le milieu aux hommes. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Nabi Urayra, Laysa lin-nisa wasat at-tariq, akhrajahu Ibn Hibban wa hassanahu al-Albani. Et également, à Nabi Usaid, Anahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakul, huwa kharij min al-masjid, fakhtarata ar-rijalu ma'a an-nisa fi at-tariq. Faqal, istakhirna فإنه ليس لكم أو لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحافة الطريق أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. Que selon Abu Said, qu'il a entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire alors qu'il sortait du masjid et que les hommes s'étaient mélangés avec les femmes dans la rue. Alors il leur dit, استخلنا يعني reculez ou laissez le passage, car il ne vous revient pas de vous approprier la rue, le lieu de passage. Vous prenez les côtés. Et ce hadith a été apporté par Abu Daoud et rendu hassan par Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et là, il a dit quoi? De façon, avec un ton sévère, qu'il ne revient pas à la femme de s'approprier le milieu de la rue, mais qu'elle se mette sur les côtés. Non. Et cela fait partie quoi? Du droit de la rue. Car il est déjà venu un hadith apporté par Abu Saïd al-Khudri, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إياكم والجلوس في الطرقات إلى أن قال وأعطوا الطريق حقه إلى أن قال ومنه غض البصر. Et dans un hadith rapporté où il disait, en parlant à ses compagnons, prenez garde de vous approprier également la rue. Et de là, comme les compagnons n'avaient d'autres de lieux pour se rencontrer et discuter, il leur dit, si vous n'avez pas le choix, alors donnez à la rue son droit. Et ils dirent, quels sont les droits de la rue? Et là, il cita parmi les droits de la rue, de baisser le regard. Hein, de baisser le regard. C'est-à-dire même pour l'homme. Et tout cela, pourquoi? En vue de fermer les portes aux fitnas pour la sauvegarde des serviteurs et le bien-être de chacun. Quand Allah sallallahu alayhi wa sallam, craignez ce bas monde, la dunya. Et craignez, on va dire, la fitna des femmes. Car certes, la première tentation des fils d'Israël était à cause des femmes. Quand Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma ra'aytu min naqisati al-aql wa al-din, أغرب للوب رجل الحازم من إحداكنا رواه مسلم qu'il a dit, je n'ai pas vu d'être, on va dire, muni de raison et de religion réduite comme vous, c'est-à-dire les femmes, faire perdre la raison à un homme déterminé, sagace, rapporté par Muslim. C'est-à-dire que là, la femme a un effet sur l'homme. Et donc de là fut interdit la mixité entre les hommes et les femmes. Encore parmi les preuves. Donc là, c'est les étapes qu'on a passées, hein, de façon résumée, pour éviter justement que l'homme et la femme aient à se rencontrer. Et que si cela doit arriver, même des règles ont été établies pour cela, pour éviter cette turpitude qui est zina. Et également sauver l'honneur du musulman et de la muslima. Même s'il arrive à ce qu'il ne fasse pas zina, sauver son honneur, qu'il n'y ait pas des diffamations et de fausses accusations qui viennent à son encontre. Et de là également, il a été permis à la femme, on voit qu'il a été permis à la femme de se rendre au masjid. Cela avec la permission de son mari. Et lorsqu'il fut, sallallahu alayhi wa sallam, interrogé sur les meilleurs endroits, il dit, Khairul Baqar al-Masajid, wa Sharul Baqar al-Aswaq, que les meilleurs lieux, c'est-à-dire sur terre, sont les masajid, les mosquées, et que les pires sont les lieux de commerce, les souks, les marchés. Et malgré cela, lorsqu'il fut interrogé sur la salade de la femme masjid, il l'autorisa. Cependant, il dit, wa buyutuhunna khairun lahunna, que leurs maisons sont quand même meilleures pour elles. Également du fait qu'il ait dit, wa khairu sufufi rijal awwaluha, wa sharruha akhiruha, wa khairu sufufi nisa'i akhiruha, wa sharruha awwaluha, que les meilleurs des rangs pour les hommes sont les premiers et que les pires sont les derniers. Et que les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. Et cela où? Dans les meilleurs lieux sur terre. Hein? Dans les meilleurs lieux sur terre, le masajid. Donc que dire? Que le meilleur sur terre, que malgré cela, pour la femme, qu'elle reste à la maison, et que si maintenant elle vient, elle est amenée à s'y rendre, qu'elle soit tout derrière. Et parmi les preuves également, Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, fait que cette Moussa alayhi salam, que Allah dit dans le sens, en parlant de l'histoire de Moussa, وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خُطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ الرُّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Que lorsque Moussa, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, fut arrivé au point d'eau de Médiane, il trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Il y trouva aussi deux femmes à l'écart, tenant leurs bêtes. Hein, à l'écart. Il leur dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuvons que lorsque les bergers seront partis et notre père est fort âgé. Donc regardez là, qu'est-ce qu'il dit? Ces femmes-là, où se tenaient-elles? À l'écart. Elles n'étaient pas mélangées aux hommes. Et également, Wabuna Shikhon Kabir, que notre père est fort âgé. C'est-à-dire quoi? Qu'elles justifient leur sortie, qu'à la base c'est le père qui s'occupe de cela, ou le fils, ou l'homme qui est présent, mais dans son incapacité, alors c'est elles qui ont été contentes à sortir et amener ce troupeau pour les abreuver. Elles ont justifié, Wabuna Shikhon Kabir, qu'à la base ce n'est pas à nous de le faire. Donc là c'est encore une preuve qu'on déduit qui amène à ce que la femme reste chez elle et ne se mélange pas aux hommes. Depuis, il y en a des gens pieux des communautés antérieures. Et aujourd'hui, vous allez trouver des gens au cœur malade dire, ceux qui interdisent la mixité, qu'on en fait trop, c'est exagéré, hein, que c'est dépassé, que ce ne sont que des femmes, hein, et que nous, c'est-à-dire ceux qui interdisent la mixité, on est comme des animaux incapables de se maîtriser devant des femmes. Wal'iyadhu billah. Là, je parle d'un musulman, hein, je parle pas d'un kafir, je parle d'un musulman. Un kafir, c'est le plus grand des menteurs. Il va te dire, moi, je me tiens, et c'est pourtant le plus pervers des pervers. C'est-à-dire, il vous dit, moi, ça me fait rien, alors que, a'oudhou billah, c'est ce que ça peut lui faire. Là, je parle du musulman. Hein? Eh ben, lui, qu'est-ce qu'on lui dit à celui-là? Que l'homme le plus pieux est l'exemple à suivre. Il a dit quoi? Ma talaktu min fitnatin adar ala rijal min nisa. Que je n'ai pas laissé de fitna, tentation plus dure, plus nuisible pour les hommes, si ce n'est celle des femmes. Ainsi que les autres hadiths qui ont été cités au préalable. Où il y a que Allah subhanahu wa ta'ala, Zuyina linnas hubbul shahwati min an-nisa. Hein? On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, et parmi elles, il a commencé par quoi? Les femmes. An-nisa. Et bien sûr, cela va dans l'autre sens, que l'une des fitnas les plus dures pour les femmes sont les hommes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة غورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. Que la femme entièrement est une intimité et que si elle sort, Alors Shaitan l'embellit aux yeux des gens, des hommes, on va dire. Lorsque la femme sort, elle a un effet sur l'homme qu'elle n'aura pas à la maison ou autre. Et ça, ça vient de qui? De Shaitan, qui l'embellit. Et selon Abu Kebsha, fait Mousnad Ahmed, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج فقال وقد اغتسل فكنا يا رسول الله قد كان شيء قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك يفعلوا فإنه من أمثال أعمالكم إتيان الحلال. Donc il dit, Abu Kebsha qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis au milieu de ses compagnons. Ensuite, il s'en alla pour revenir et il avait accompli le rusl, rusl janaba. Alors lui dire, ô messager d'Allah, est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, en effet, car une telle est passée par moi. C'est déjà venu me voir, peut-être pour poser une question, Allah alam, je ne sais pas c'est quoi le tafsir du hadith. Et cela provoquait quoi? Cela m'a donné une envie de femme. Hein, l'envie qu'un homme peut avoir pour les femmes. Alors, j'ai été vers une de mes femmes, et j'ai eu des rapports avec elle. Et c'est comme cela que vous devez agir. Car parmi les meilleurs de vos actes, de faire le halal, si vous est permis. Hein, également, rapporté par Muslim, que si l'un d'entre vous voit une femme qui lui provoque quelque chose, alors qu'il rentre chez lui, et qu'il ait des rapports avec sa femme à lui. Et cela fera partir ce qu'il a ressenti en lui. Ce qui prouve que la femme est une tentation pour l'homme. Donc il faut séparer les deux. Alors que dire de ceux qui se trouvent mélangés les uns aux autres? Discussion, sourire, plaisanterie. Quel effet cela peut-il avoir sur leur cœur? Hein? Quel effet cela pourra-t-il provoquer dans leur cœur? Comme noirceur. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala fil jasad mudghatan. Iza salahat, salaha al-jasad kulluhu. Wa iza fasadat, fasada al-jasad kulluhu. Ala wa ya al-qalb. Qu'il y a dans le corps un bout de chair, que s'il se réforme il est pieux, alors tout le reste du corps le sera. Et que s'il se pervertit, alors le reste le sera aussi. Il s'agit quoi du cœur? Hein? Wa an Uqba, Ma'amir, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, iyyakum wa ad-dukhula 'ala an-nisa. Wa qalu, ara'aita al-hamu? Qala al-hamu al-maut. Il dit, prenez garde à ne rentrer auprès des femmes. Et il dit, que l'étude du hamou. Le hamou, souvent, il y en a, ils le traduisent par étant, comme étant le proche parent. Plutôt, à fond, comme étant le frère. Le frère, c'est-à-dire le frère du mari. C'est-à-dire le beau-frère de la femme. En vrai, le hamou, c'est plus large que ça. Ça englobe les proches du mari. Ça peut être l'oncle du mari. Ça peut être le frère du mari. Ça peut être autre que cela parmi les gens qui ne sont pas des maharim pour la femme. Le hamou, c'est plus large que le frère du mari. Donc il a dit quoi? El hamoul maut, que même cet homme-là est un danger pour ta femme, s'il rentre et que tu n'es pas là. Comme également le fait de serrer la main. Hein? Chose qui aujourd'hui paraît anodine en cette époque où les hommes et les femmes se font la bise. Demain, si, on va dire même autre qu'un musulman mustaqim, une femme venait à lui tendre la joue pour lui faire la bise et lui reculer pour lui tendre la main, elle en serait choquée. On l'a vu déjà, beaucoup de frères au début de leur islam. Hein? Dans l'islam, on l'a vu, on l'a vécu cela, que lorsqu'une femme tente de vouloir se rapprocher pour faire une bise, et qu'il s'éloigne, elle est choquée. Donc qu'est-ce qu'elle fait, deuxième étape? Elle s'excuse, elle tend la main. Là, le frère refuse. Alors là, elle en est outrée, on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas normal. Mais pour nous, c'est normal. Pour nous, c'est une préservation de notre chasteté et de notre honneur, imposée par notre Seigneur, pour l'homme comme pour la femme. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Que l'un d'entre vous se fasse enfoncer une aiguille de fer dans la tête, cela lui est meilleur que de toucher une femme qui ne lui est pas permise. Mais quand on leur dit ça, ils ne comprennent pas. Donc demandez-vous pourquoi chez ces gens-là, il y a plein de problèmes. Que la femme trouve son mari en train de la tromper. Que le mari trouve sa femme en train de le tromper. Que le père trouve sa fille avec des petits copains à la maison. Ou le fils avec des petites copines, ainsi de suite. Et dès leur jeune âge. Pourquoi? Quelle est la cause de tout ce mal qui amène des fois à des meurtres, des histoires pas possibles. Quelle est la cause de tout cela? C'est la mixité. Le fait que les hommes et les femmes sont mélangés au travail, à l'école, et ainsi de suite. Et même chez nous, chez les musulmans, on le voit. Des gens viennent, comme l'Ikhwan Muslimoun, hein, vont faire des muhadara, des conférences, la femme d'un côté, les hommes de l'autre. Ils pensent qu'ils vont se séparer en faisant ça? Est-ce que tu penses que l'homme ne peut voir la femme et que la femme ne peut voir l'homme du fait qu'il y a un juste, on va dire, un passage entre les chaises, même pas un rideau? Et quand on leur explique, ils disent, vous êtes durs, vous les salafis, vous êtes durs. Non, on n'est pas durs. Nanou arhaman nas bikum. Nous sommes les personnes les plus miséricordieuses envers vous. Et tout cela, on le dit pourquoi? Pour éviter les problèmes. Cependant, n'accepte que celui qui accepte. Alal asaf. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Rawadathu allati wa fi baytiha an nafsi. Wa ghalaqat al abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'azallah innu rabbi ahsanu mathwah innahu la yuflihu adh-dhalimun. Dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, lorsque la femme du chez qui il habitait ferma les portes et tenta de le séduire. Et elle dit, je suis à toi, dans le sens, me voici. Et alors il dit, je cherche refuge auprès d'Allah, certes, mon Seigneur est le meilleur refuge, et certes, ne réussiront pas les injustes. Quand le Cheikh Bou Ibrahim, rahimahullah ta'ala, en expliquant ce verset, quand le Wajj al-Dalala, أنه لما حصل اختلاط بين المرأة العزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا فطلبت منه أن يوافقها ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها وذلك في قوله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من نوعين ما يهواه من النوع الآخر. Donc il dit, la preuve en cela, dans ce verset, c'est que lorsqu'il y eut un mélange entre Youssouf, alayhi salam, et la femme du roi, du Aziz, de Mithr, d'Égypte, elle laissa apparaître ce qu'elle avait en elle, ce qu'elle dissimulait. Hein? Alors elle désira de lui qu'il accepte. Et Allah subhanahu wa ta'ala recouvra Youssouf de sa miséricorde. Alors, il exauça et éloigna de lui leur complot, c'est-à-dire le complot de ses femmes. Il est certes l'audient et le savant, l'omniscient, on va dire. Et cela, c'est ce qui arrive lorsqu'il y a un mélange entre les femmes et les hommes. Chacun choisit de l'autre ce que ses passions, ce à quoi l'entraîne ses passions. Et cela par différents moyens. De toute façon, le sens approximatif des paroles du Cheikh Mohamed Ibrahim. Wa qala ta'ala, ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Et il connaît la trahison des yeux, on va dire, et ce que renferment les poitrines. Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, a expliqué ce verset en disant que l'homme, un homme étranger, rentre dans une maison, avec l'accord des habitants. Et parmi ces habitants, il y a une femme, une belle femme, qui passe par lui. Alors les autres hommes, eux, deviennent inattentifs à cela, un instant. Ils s'imaginent que cet homme a baissé le regard, ne la regarde pas. Ils s'imaginent qu'il a fermé les yeux. Et cependant, que Allah lui a découvert que dans son cœur, cet homme se dit en lui que si jamais il pouvait avoir l'opportunité, il forniquerait avec elle. Cet homme, invité dans la demeure d'autres personnes, l'imaginant serein et inoffensif, et bien lui, c'est tout le contraire. Et Allah sait cela dans le cœur de la personne. Donc, quand le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, waj al-dalala, anna Allah ta'ala wasaf al-ayn allati tusadik al-nazar, ila ma la tahillu al-nazar layhi min al-nisa, biyannaha kha'ina, fa kayfa bil-ihtilat. Donc il dit que Allah a décrit l'œil qui vole, c'est-à-dire qu'il soutient le regard, qui regarde de façon furtive, ce qui ne lui est pas permis, Allah, parmi les femmes, le regard de la femme, de l'homme envers la femme, que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce regard comme étant, ou l'œil comme étant un traître. Hein, un traître, car il regarde furtivement ce qui ne lui est pas permis. Alors que dire de l'ertilette? Là, il parle d'un homme qui rentre dans une maison, invité, alors que dire d'un lieu ouvert à tous? Naam. Alors, An ibn Umar, radiallahu anhu, An Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلجو من هذا الباب من الرجال أحد. Qu'il dit, selon Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a construit le masjid, il a fait une porte juste pour les femmes, en disant qu'aucun homme ne rentre par là. Et également, toujours rapporté par le Bukhari, dans Tarikh al-Kabir, toujours selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tadkhulu al-masjid min bab an-nisa. Ne rentrez pas au masjid par la porte des femmes. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, murru awladakum bis salati wa hum abna sab' sinin wa dribuhum 'alayha wa hum abna 'ashr wa farriqu baynahum fil madaji'. Qu'il dit, ordonnez à vos enfants d'accomplir la salat alors qu'ils ont encore 7 ans. Et frappez-les pour qu'ils l'accomplissent lorsqu'ils ont 10 ans. Et séparez entre eux dans les lits. Qala Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, faqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam بتفريق بين الأولاد وعدم اختلاط ذكورا أو إناثا مع أنهم أبناء 10 سنين فكيف بمن هو أكبر منهم وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. Donc il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné de séparer entre les enfants et de ne pas les faire tomber dans la mixité, qu'ils soient entre les garçons et les filles, alors qu'ils n'ont que 10 ans. Alors que dire de ceux qui sont plus grands qu'eux, hein? Il s'agit là d'un exemple tiré de ce qui est moindre pour ce qui est pire. C'est-à-dire, il donne l'exemple des enfants, alors que dire des plus grands. Et de là même, les savants ont émis des fatawas, justement. Quand il dit quoi? Mouru awladakum bis salat, wum abna sab' sinin. De leur ordonner d'accomplir la salat lorsqu'ils ont 7 ans. Cela en quoi en vue d'anticiper ce qui va arriver par la suite. Car l'enfant, on ne peut lui imposer une chose du jour au lendemain. Donc à 7 ans, il n'est pas encore mukallaf. Il n'est pas encore pubère. Du fait que la salat ne lui est pas obligatoire, vraiment. Mais seulement, il est obligatoire aux parents de lui enseigner, de lui faire accomplir la salat. Pourquoi? En vue, pour ce qui pourrait arriver par la suite, que lorsqu'il sera déjà habitué, à 10 ans, d'accomplir cette salat. À 10 ans, il sera déjà habitué. Donc de là, l'enfant doit être habitué au bien très tôt, dès son jeune âge. Donc également, les savants ont mis comme fatwa qu'il n'est pas permis de mettre les enfants dans les écoles mixtes, même petits. Même ce qu'on appelle la maternelle, que l'enfant ne doit pas être habitué avec les femmes, ni d'avoir une professeure femme. Les garçons ont des enseignants hommes, petits ou grands, et les filles ont des enseignantes femmes. Plein de fatwas de la science ont été émises, il se peut que je fasse une deuxième partie, inch'Allah, de cette muhadara, plus basée sur des fatwas des ulama. Car à la base, ce que je comptais faire là, à la fin de cette muhadara, cependant, je vois que le temps a été, ça a été bien long, plus long que ce que je croyais. Donc je me contentais juste des preuves du Kitab wa Sunnah, et Inch'Allah, je fais une deuxième partie, elle basée sur les fatawa des ulama, sur l'interdiction de cette mixité, à l'école, au travail, ou autre. Naam. Donc de là, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala rendra ces rencontres bénéfiques pour moi en premier lieu, ainsi que pour mes frères et mes sœurs ailleurs, et surtout pour les sœurs, qui elles sont principalement visées par cette muhadara, du fait qu'elles sont des mères, et qu'elles ont le rôle d'enseignantes bien plus importantes que celui des pères, qui eux sont souvent absents, qu'elles fassent bien attention, hein, par rapport à leurs enfants, d'éviter tout mélange mixité, même petit. Ne pas se dire qu'ils sont petits, ils ne comprennent pas. Non, depuis petit, il faut leur enseigner cela. La séparation entre les garçons et les filles, à part avec les maharim, ceux avec qui c'est permis. فَبِهَادَ نَكْتَفِي وَنَكُلْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.